Signalisation signifie que sur une distance de 500 mètres, l'arrêt et le stationnement sont interdits dans ce sens de circulation uniquement. Un panneau d'interdiction rencontré dans un sens de circulation ne s'applique pas dans l'autre sens. Ou alors, il faudrait qu'il soit répété de l'autre côté de la chaussée. Réponse A, B et C.